Joël chapitre 3. Car voici, en ces jours-là et en ce temps-là auquel je ferai retourner ceux qui auront été emmenés captifs de Juda et de Jérusalem. J'assemblerai toutes les nations, et les ferai descendre en la vallée de Josaphat, et là j'entrerai en jugement avec eux, à cause de mon peuple, et de mon héritage d'Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations, et parce qu'ils ont partagé entre eux mon pays, et qu'ils ont jeté le sort sur mon peuple, et qu'ils ont donné un enfant pour une prostituée, et ont vendu la jeune fille pour du vin, qu'ils ont bu, et qu'ai-je aussi à faire de vous, Tyre et Sidon, et de vous, toutes les marges de la Palestine? Me rendrez-vous ma récompense, ou me voulez-vous irriter? Je vous rendrai promptement et sans délai, votre récompense sur votre tête. Car vous avez pris mon argent et mon or, et avez emporté dans vos temples, mes choses les plus précieuses et les meilleures. Et vous avez vendu les enfants de Juda, et les enfants de Jérusalem, aux enfants des Grecs, afin de les éloigner de leur contrée. Voici, je les ferai lever du lieu, auquel ils ont été transportés après que vous les avez vendus, et je ferai retourner votre récompense sur votre tête. Je vendrai donc vos fils et vos filles entre les mains des enfants de Juda, et ils les vendront à ceux de Séba, qui les transporteront vers une nation éloignée, car l'Éternel a parlé. Publiez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les hommes forts, que tous les gens de guerre s'approchent, et qu'ils montent. Forgez des épées de vos oyaux, et des javelines de vos serpes, et que le faible dise, je suis fort. Amassez-vous, et venez, toute nation d'alentour, et soyez assemblés. L'Éternel abattra là tes hommes forts. Que les nations se réveillent, et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car je serai assis là pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la faucille, car la moisson est mûre, venez, et descendez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car leur malice est grande. Peuple, peuple, à la vallée de décision, car la journée de l'Éternel est proche dans la vallée de décision. Le soleil et la lune ont été obscurcis, et les étoiles ont retiré leur lueur. Et l'Éternel rugira de Sion, et fera ouïr sa voix de Jérusalem, et les cieux et la terre seront ébranlés, et l'Éternel sera un asile à son peuple, et la force des enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habite en Sion, la montagne de ma sainteté, et Jérusalem ne sera que sainteté, et les étrangers n'y passeront plus. Et il arrivera en ce jour-là, que les montagnes distilleront le moût, et que les coteaux se fondront en lait, les eaux courront dans tous les ruisseaux de Juda, et il sortira une fontaine de la maison de l'Éternel, et elle arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera en désolation, et l'Idumée en désert de désolation, à cause de la violence faite aux enfants de Juda, desquels ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais la Judée sera habitée éternellement, et Jérusalem d'âge en âge. Et je nettoierai leur sang que je n'avais point nettoyé, car l'Éternel habite en Sion.